voix qui me dit d'arrête la cip et l'autre me dit tu l'es. Je mélange tous les jours, savoure ce goût acidulé. Honnête, je sais pas si tu les plastupes où je suis situé. La stup, on fait que huer, déféré, on devient muet. Wow, smoke grave jusqu'à dans la chambre, fait apparaître buée. Tous ces salopes veulent me chambre, un jour je vais les appuyer. Stop, acide, so clock, on surveille la porte. Dis-moi ce que tu m'apportes, bitch, tu ressembles à un porc. Calibre sa porte, la veut R est forte. Je le fais sans effort, boy. Ils ont la mort parce qu'ils savent qu'on peut les mordre, qu'on peut les tordre, les fixer au décor. Bitch, bitch. J'ai mon père sur le côté et ma Fanta dans le frigo. J'ai mon père sur le côté et ma Fanta dans le frigo. Comme Sam Simoli, mais en quatre dans le frigo. Pour toi j'en mets trop dans le Fanta, pour toi j'en mets trop dans le terre. Pour toi j'en mets trop dans le Sprite, pour toi j'en mets trop dans le terre. Pour toi j'en mets trop dans le Fanta, pour toi j'en mets trop dans le terre. Pour toi j'en mets trop dans le Sprite, pour toi j'en mets trop dans le terre. J'ai voulu le faire et je l'ai fait. J'suis trop chaud, j'm'enterre en été. J'suis parti en mer, j't'ai laissé. T'as perdu la guerre, t'es frustré. Faut qu'ils apprennent à gérer leur stress. J'mets des articles sur nous dans la presse. Ils se mettront à genoux devant la presse, ancien. Tu m'as jamais vu, j'pèse toi à distance, yeah. Rien que je casse tous mes cellphones. Comme la gueule de leur rap, ils sont personne. Une blonde assoupie, c'est mon telson. J'ai perdu ma mue, j'ai un cœur seul. Elles étaient sur la route du prestige. On dirait que j'suis dans ce truc depuis 30 piges. J'ai pété la prod 2808. Donc je rentre dans sa chute dans son estime. J'ai voulu le faire et j'l'ai fait. J'suis trop chaud, j'm'enterre en été. J'suis parti en mer, j't'ai laissé. T'as perdu la guerre, t'es frustré. J'ai voulu le faire et j'l'ai fait. J'suis trop chaud, j'm'enterre en été. J'suis parti en mer, j't'ai laissé. T'as perdu la guerre, t'es frustré. Hey, j'ai mon père sur le côté et ma Fanta dans le frigo. J'ai mon père sur le côté et ma Fanta dans le frigo. Comme Sam Simoli, mais en quatre dans le frigo. Comme Sam Simoli, mais en quatre. Pour toi j'en mets trop dans le Fanta, pour toi j'en mets trop dans le terre. Pour toi j'en mets trop dans le Sprite, pour toi j'en mets trop dans le terre. Pour toi j'en mets trop dans le Fanta, pour toi j'en mets trop dans le terre. Pour toi j'en mets trop dans le Sprite, pour toi j'en mets trop dans le terre. Pour toi j'en mets trop dans le Fanta, pour toi j'en mets trop dans le terre. Pour toi j'en mets trop dans le Sprite, pour toi j'en mets trop dans le terre. Pour toi j'en mets trop dans le Fanta, pour toi j'en mets trop dans le terre. Pour toi j'en mets trop dans le Sprite, pour toi j'en mets trop dans le terre.